Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Et après cette incursion dans les éditions des génomes, on fait un saut en archéologie. Les archéologues aiment découvrir des vestiges, mais ces vestiges ne sont rien si on ne sait pas comment les faire parler. Alors, les archéologues ont toutes sortes de techniques pour faire parler toutes sortes de vestiges et d'objets. Alors, on en parle avec Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Ça fait longtemps que j'en parle d'archéologie ici à l'émission. Oui, c'est vrai. Futur Simple. On sait maintenant que c'est une discipline assez intéressante en soi, qui nous permet de découvrir d'autres mondes, mais d'autres temps aussi. Et lors de fouilles archéologiques, on découvre tout plein de choses. Les archéologues essaient alors de reconstituer une scène, un morceau de vie qui est figé dans le temps. À l'exception des sites avec une préservation hors du commun comme Pompéi, où on pourra retrouver la ville, les hommes et tous les objets intacts, la majorité du temps sur des fouilles, on va retrouver des vestiges qui sont détériorés, brisés ou en mille morceaux. Et c'est à ce moment-là que commence la reconstitution. C'est un peu quoi, comme si on essayait de reconstituer un crime, quoi. Hein? Oui, c'est vrai. Uh-huh. C'est comme un criminologue qui travaille sur une scène de crime. Alors, pour commencer, si tu nous dressais un tableau du type d'objet que l'on peut retrouver sur un site. Il faut se remettre dans le contexte un peu. Les archéologues arrivent sur un site comme si c'était un lieu qui était inhabité depuis vraiment longtemps. C'est plutôt rare de retrouver un site avec tous les objets présents. On peut penser que c'est la même façon que si on déménageait très rapidement là, demain matin, de façon précipitée. On va partir avec des objets pas mal tout ou presque. C'est à peu près la même chose sur un site archéologique. On trouve pas grand-chose. En fait, on peut peut-être retrouver des objets qui sont oubliés, un petit quelque chose qui est oublié sur un dessus de tablette qu'on n'aurait pas pris là en partant trop rapidement. On va avoir aussi probablement des déchets, parce que peut-être qu'on n'aura pas eu le temps de vider la poubelle, puis encore moins vider le gros conteneur là qui est à l'extérieur de la maison. On aura probablement des objets brisés, parce que pourquoi s'embarrasser avec des objets là qui fonctionnent plus ou qui sont en miettes? Et nous aurons de façon moins manifeste, moins visible, les vestiges qu'on étudie en archéologie environnementale, soit les insectes, le pollen, les fruits et les graines, et j'en passe. Donc, les objets n'abondent pas, si je comprends bien. Exact. Mm-hmm. Et sur un chantier de fouille, où est-ce qu'on est le plus susceptible de trouver ces vestiges archéologiques? Si on parle d'archéologie urbaine, on va se retrouver souvent à l'extérieur des bâtiments qui sont érigés. Si on pense à la ville de Québec, on n'aura pas la permission d'aller creuser dans le sous-sol des maisons, malheureusement. Donc, la plupart du temps, on est à l'extérieur et on va fouiller des aires de passage. Ça peut être des voies pavées, des jardins ou des anciennes rues. On pourra aussi trouver dans ces lieux-là des pièces de monnaie qui ont été échappées à travers le temps, des billes d'un bracelet qui était brisé, des bagues perdues aussi. On va peut-être avoir la chance de trouver des lieux d'entreposage. Ça, c'était quand même assez intéressant parce qu'on va avoir des traces de la nourriture qui était présente à l'époque. Ah, ben oui. Peut-être aussi, on va pouvoir apercevoir le système de stockage. Et finalement, la caverne d'Ali Baba pour l'archéologue, c'est trouver des latrines ou les toilettes. Okay. Parce que dans cet endroit-là, on va avoir bien entendu les traces de nourriture qui a été consommée, mais on va peut-être aussi trouver des morceaux de vêtements comme des semelles de chaussures là qui sont désuètes, des pots de chambre qui ont été fracassés, voire même des objets qui ont juste tombé là comme ça dans la toilette sans le vouloir. Exact. Mm-hmm. Tu parlais de reconstitution avec tous ces vestiges archéologiques. Qu'est-ce que l'archéologue peut reconstituer, au fait? Mais si on revient sur les insectes, le pollen et les fruits, ce sont tous des éléments qui peuvent nous donner des indices sur l'environnement tel qu'il était dans le passé. On peut connaître, entre autres, la température et l'humidité qu'il faisait. Mais comme j'ai dit plus tôt, on connaît un moment précis dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut des fois cerner à quel mois de l'année il s'agissait sur le site qu'on est en train de fouiller. Ça peut être assez précis. On peut en connaître un peu plus aussi sur la technologie de ce monde passé-là. Il m'est arrivé de trouver des pièces de monnaie sur des sites, des perles et des boutons. Ça en dit long sur la technique et les technologies qui étaient connues à l'époque. Et ultimement, on reconstruit un mode de vie. Est-ce que les gens étaient sédentaires? Est-ce qu'ils connaissaient les rudiments de l'hygiène? Mangeaient-ils à leur faim? Étaient-ils en santé? Et utilisaient-ils leur environnement à leur plein potentiel? Mais ces vestiges doivent être fragiles et il faut les trouver le plus intacts possible pour les faire parler, j'imagine. Pendant les fouilles, il doit y avoir un minimum de conditions à respecter pour préserver ces vestiges. Oui, certainement pour la matière organique qui va se décomposer à l'air libre. Dans les conditions normales, les insectes, le pollen et les graines vont être décomposés par des organismes décomposeurs. Ça peut être des bactéries ou même la fonte du sol. On peut toutefois trouver cette matière organique-là dans des conditions anaérobies. Ça peut être des dépôts calcaires ou des dépôts argileux. En fait, les latrines, là, c'est la meilleure condition qu'on peut avoir parce que c'est assez humide, il n'y a pas d'oxygène. Mm-hmm. C'est scellé aussi souvent par différentes couches. Donc, on peut avoir une stratigraphie de déchets. Fait qu'on peut retracer dans le temps tous les niveaux d'occupation. Et pour les objets comme la porcelaine et le verre, souvent, ça, c'est des objets qui vont se préserver plus facilement parce que ça se dégrade pas. Fait qu'on en retrouve beaucoup, puis partout aussi. Oui, c'est un fait. Hein? Tout à l'heure, on parlait d'insectes. Alors, quand on en trouve des insectes sur un site archéologique, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Tout plein de choses. C'est ça qui est intéressant avec l'archéo-entomologie. Puis en fait, il faut en trouver en grande quantité. Parce que si on trouve une espèce sur un site archéologique en un exemplaire, ça peut pas vraiment dire grand-chose. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les insectes vivent dans des niches écologiques particulières. Donc, si on reconstitue le peuplement d'insectes, on va avoir une idée de l'environnement des gens à l'époque. Si on donne un exemple, il y a différents indices qui peuvent être fournis par la présence d'espèces possédant un régime alimentaire très spécialisé, comme les insectes phytophages, donc des insectes qui mangent le bois. Et l'étude des peuplements d'insectes sur plusieurs sites en Grande-Bretagne a permis de mettre en évidence les grandes déforestations subies par l'Europe au Quaternaire. Alors, sur les sites étudiés, on remarquait une forte baisse dans la présence d'insectes qui se nourrissaient principalement d'arbres et d'arbustes. Les insectes sont aussi parfois des indicateurs de la présence humaine. Un des meilleurs exemples, c'est le Scytophilus granarius, qui est le charançon du blé. Ils vivent toujours dans des lieux de stockage de blé, donc ultimement là, près des établissements humains. Exactement. Et sur la céramique, en fait, quels seraient les types d'études qu'on peut faire? Les tessons en céramique sont toujours nombreux. Sur un site archéologique, sont souvent petits aussi, malheureusement. Donc, faut les reconstituer, faut les coller. C'est un beau travail à faire pour un céramologue ou un archéologue dans ses débuts. Là, c'est de reprendre tous les tessons et d'essayer de remettre ça dans sa forme d'origine. Exactement. D'origine. C'est ça peut être long. C'est un long processus, mais faut. Parce qu'il n'y a pas nécessairement tous les morceaux non plus. Exactement. On va se fier souvent à des images d'époque quand on peut qu'on peut en avoir. On va avoir des guides aussi de la typologie. Et lorsqu'on va retrouver sa forme, on peut se demander d'où ce qu'elle provient aussi, de quand date-t-elle, où elle a été fabriquée aussi. Donc, la première étape est de la reconstituer dans un laboratoire. Mais après, il y a des analyses qu'on peut faire pour pousser vraiment les questions, surtout de provenance. Mm-hmm. Parce que des études de pétrologie vont déterminer la composition d'argile de la céramique. Et l'argile, en fait, est comme une empreinte digitale. Elle va correspondre au lieu même où on en a extrait l'argile du sol. Ah bon? Donc, si on réussit... Donc, c'est très précis, ça. C'est très précis. On sait d'où ça vient précisément. Exactement. Okay, c'est une signature, ça, finalement. Exactement. C'est bien dit, une signature, okay, qu'on va pouvoir savoir où elle a été fabriquée. Okay. Mais il s'agit tout de même d'une méthode comparative. Donc, il faut avoir quand même les données de plusieurs lieux différents, ainsi que les données trouvées par la céramique. Donc, ça se peut que des fois, on n'arrive pas à trouver des résultats concluants parce qu'il nous manque des données qu'on n'a pas dans les banques de données. En accumulant les données dans les banques de données, mais peut-être qu'il sera possible un jour de faire parler ces tessons qui étaient jusqu'à maintenant muets. Exactement. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est vraiment très intéressant. On va passer en publicité sur CKRL au 89.1. Au retour, on vous parle de sociobiologie avec le professeur Cyril Barrette.